Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ce soir, à l'aérospatiale, l'émission À tout hasard, les Journées de la culture, Esther Rocavilla et la sélection audio de Simon Roy. Alors, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels. Audrey Caro en votre compagnie pour cette édition du 27 septembre, et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir par Sarah Bélanger-Martel. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Alors, très heureuse de t'avoir en ma compagnie, parce qu'il faut peut-être dire à nos auditeurs que ben, ce sera toi qu'on va entendre dans pas grand temps, dans quelques semaines. Dans pas grand temps, oui. Parce oui. que c'est ça, vous êtes pas au courant, mais je vais aller donner vie à un enfant sous peu. Alors, on a besoin d'une remplaçante qui va être là pour prendre la relève. Donc, elle va être avec moi aujourd'hui, la semaine prochaine aussi. On va justement faire cette émission ensemble. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on vous a préparé une émission assez variée dans les sujets. Vous savez qu'à l'aérospatiale, on aime beaucoup parler d'art public. Et en première partie d'émission, on va se permettre une discussion un peu plus exhaustive avec l'artiste Diane Landry au sujet de l'émission d'art public À tout hasard qui est diffusée actuellement sur les ondes d'Art TV. On va en profiter pour parler de l'œuvre qui est présentée dans l'épisode de ce soir, hein, dans lequel Diane fait partie, mais aussi pour discuter de la place, notamment de l'art public, ce que l'art public occupe dans son parcours. Et en deuxième moitié d'émission, je vais recevoir deux chroniqueurs, Julien Saint-Georges en premier lieu, qui va venir nous parler des nombreuses activités en arts visuels qui vont se tenir cette fin de semaine, donc vendredi, samedi et dimanche, à l'occasion des Journées de la culture, hein, dont c'est la 20e édition cette année. Et également, un nouveau collaborateur va faire ses premières armes avec nous ce soir, Jeffrey Poirier, peut-être que vous avez déjà entendu aussi sur les ondes de cette émission, bien sûr, qui est un artiste en arts visuel, eh bien, aujourd'hui, il va venir nous présenter le travail de l'artiste catalane Esther Rocavilla, qui est présentement en résidence à la Chambre Blanche. Donc, on va découvrir avec lui un peu qu'est-ce que fait cet artiste. Et comme toujours, on va vous faire part des événements à ne pas manquer cette semaine en fin d'émission. Aujourd'hui, Simon Roy ne pouvait être parmi nous, mais quand même, je vous présente sa sélection musicale qui est en fait quatre extraits du EP Sydney, et c'est l'artiste Pete Dowsing, donc qui est sous l'étiquette Noisy Vagabond. Donc, un genre de mélange down-tempo, éclectique. On va découvrir ça ensemble, vraiment des pièces assez intéressantes. Et vous rappelez que vous pouvez toujours, à chaque semaine, télécharger gratuitement la sélection musicale donc de Simon Roy sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Et je vous invite également aussi à nous suivre via les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook et aussi notre Instagram, hein, bien sûr, qu'on a instauré il y a quelques temps seulement. Donc, on va aller écouter un premier extrait audio et cette fois, ce sera Rest de Pete Dowsing. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale et je suis en compagnie de Diane Landry. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Alors, il faut savoir que nous, en janvier dernier, j'avais eu l'opportunité de discuter avec Suzanne Guy, la réalisatrice de cette émission documentaire, donc à tout hasard, qui est diffusée présentement sur les ondes de RTV depuis le 6 septembre. Eh bien, c'est le fun parce qu'en plus, c'est le mardi à 19h, donc une demi-heure après la fin de l'émission, fait que ça nous met vraiment, c'est un bon préambule pour l'émission de ce soir, parce que c'est donc 8 épisodes de 30 minutes où on va à la rencontre de 16 artistes et d'un projet d'art public qu'ils ont un peu partout, là, ça peut être un peu partout au Québec. Et ce qui est intéressant avec cette série-là aussi, c'est qu'on découvre plusieurs artistes de Québec, et ce soir, l'épisode numéro 4 te met en vedette en compagnie de Marc-André Antoine Côté, qu'on aurait bien aimé avoir à l'émission, mais qui n'était malheureusement pas disponible. Mais ça nous permet de découvrir notamment aussi le travail de Jean-Pierre Morin, Ludovic Bonnet et Jean-Robert Drouillard aussi. Donc, on voulait te recevoir, Diane, pour en profiter et discuter un peu de cette émission, mais aussi de voir ton rapport à l'art public, parce qu'il faut savoir que... carrière vénérable quand même, déjà près d'une trentaine d'années derrière la cravate, si on peut dire. Et puis, tu fais de l'art public aussi, autant des 1% que des projets d'art éphémère, là, événementiel. Mais c'est quelque chose que, en tout cas, moi que je connaissais pas tant que ça dans ta pratique, parce qu'on t'a vu souvent dans les musées, des centres d'artistes, mais quand même, c'est un élément assez intéressant que tu développes depuis la fin des années 80. Donc, voilà, ça met un peu la table pour notre discussion de ce soir. On voulait parler un petit peu de tout ça. Et donc, l'émission qu'on va pouvoir voir avec toi ce soir, c'est une œuvre qui s'intitule, laisse-moi juste, mon Dieu, j'ai pas ma feuille proche, Les souvenirs lumière. Donc, une qui date déjà quand même de 2004, donc une douzaine d'années, sans trop révéler là, à 100% tout ça. Est-ce que tu peux nous glisser un mot sur cette œuvre-là que tu avais présentée? Bon, je pense que quand, peu importe, en tout cas les artistes, moi pour ma part, quand je fais de l'art public, j'essaie de juste étendre mon travail. J'essaie de pas faire deux choses différentes. Art public ou mon travail d'atelier, appelons-le comme ça, que je vais présenter, que ce soit dans des galeries, des centres d'artistes, des musées. Donc, j'essaie d'avoir la même démarche, mais bien sûr, on a d'autres contraintes, que ce soit art public éphémère, mais c'est des lieux publics où les gens ont accès à tout moment, donc sans nécessairement avoir de surveillance. Et il y a évidemment la question de pérennité dans le cas de l'art public. Donc, ces deux contraintes-là vont évidemment agir sur le résultat de l'œuvre. Mais j'essaie justement de rester, de poursuivre ce que je fais. Donc, à l'époque où j'ai fait le projet Les souvenirs lumière, c'était un moment donné où je travaillais beaucoup à partir de collections, à partir de règles que je me donnais, mais des règles absolument absurdes, pas du tout scientifiques ou quelque chose. Et pour ce projet-là, bien, j'ai travaillé à partir d'une collection de papiers de bonbons. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il faut savoir que mon travail est souvent à partir d'objets extrêmement banals. Les objets du quotidien. Du quotidien, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de valeur. Ou même, avant ça, même c'était carrément des objets trouvés sur le trottoir qu'on pourrait qualifier vidange. Donc, essayer de faire de l'art avec ces objets-là, c'est ce qui m'anime, je dirais, depuis le début de ma recherche artistique et que je poursuis, qui va prendre, évidemment, qui va évoluer avec les années, mais au bout du compte, on pourrait dire que je fais toujours la même chose. C'est toujours la base de ma recherche. Donc, j'essaie de l'appliquer également dans l'art éphémère ou l'art public. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup aussi, oui, tu parles d'objets banals, mais c'est, pour moi, ça a toujours été ton travail, une poésie visuelle, une poésie de cet objet banal-là, de le magnifier, même s'il est déchet, en quelque sorte. Hein, surtout là, on parle de papier de bonbon. Je veux dire, c'est d'habitude à usage unique. On développe, on mange le bonbon, puis on jette le papier. Mais je trouvais ça intéressant ici parce que c'était pour le Centre de formation professionnelle en alimentation et tourisme de Charlebourg. Est-ce que ça avait un rapport, ce fait, justement, ce rapport à la nourriture, tu sais, au bonbon, j'imagine? Oui, ben c'est ce que je... Bon, qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a toutes sortes d'idées. Évidemment, il y avait les contraintes architecturales parce que dans le contexte de l'art public, on appelle ça une commande d'œuvre. Donc, on est lié à un espace avec ses contraintes. Et là, il y a beaucoup de choses et ces contraintes-là, ou bien on les prend comme un problème ou bien au contraire comme un défi. Et évidemment, je pense que ceux qui s'intéressent à l'art public, ils prennent ça davantage comme un défi et qui fait qu'on va faire quelque chose qu'on n'aurait jamais fait autrement. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse dans cet aspect-là. Évidemment, on s'adresse à une clientèle qui n'est pas nécessairement habituée ou quand on va dans un musée, on s'attend à voir des œuvres d'art. Tandis que si on est dans un hall d'entrée, que ce soit dans une école, une bibliothèque, dans un CHSLD, bon, maintenant, on le sait qu'on risque d'en voir, on est un petit peu habitué, mais donc, il y a ce côté-là que je trouve ce qui est le plus intéressant, dans le sens que ton public, dans le fond, il est un peu pris parce qu'il n'a pas le choix, il va voir l'œuvre d'art, il va vivre avec. Et en même temps, c'est un public extraordinaire d'offrir ce cadeau-là à ces gens-là. Donc, pour moi, c'est un beau cadeau. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, par exemple, ou je m'en éloigne. Disons qu'on reste quand même dans les idées que je souhaitais aborder, mais déjà là, tu as parlé de défis aussi. Parce que, oui, par rapport à la conservation, c'est un défi, parce qu'il faut penser, une œuvre, par exemple, un travail en atelier, ça peut être exposé à quelques reprises, mais là, on est vraiment dans l'idée, bon, à mettre entre guillemets de pérennité, donc, mais quelque chose, une œuvre qui va durer quand même un certain temps. Je pense que dans les papiers, on parle à peu près 50 ans en moyenne. Mais je me dis que ce soit ce projet-là, mais aussi d'autres projets, parce que moi, je me rappelle, sans savoir, quand j'étais au cégep, à Limoilou, ici, il y avait une de tes œuvres d'intégration à l'architecture qui était là, que je côtoyais, puis qu'on trouvait donc bien intrigante aussi, mais qui était finalement des cafetières avec des paysages derrière, mais avec la lumière, ça se reflétait à l'intérieur, mais ça projetait ce paysage encore plus grand sur le mur. Je me dis, il y a aussi le fait que, est-ce que ces œuvres-là, avec le temps aussi, parce que là, on parle d'une œuvre de 2004, puis celle dont je parle, je pense qu'on est à la fin des années 90. Au début, en fait, 92-93, c'était mon premier projet d'œuvre publique. Comment, je veux dire, est-ce que ça l'a bien survécu? Est-ce qu'il y a des problèmes? Si on parle de l'objet comme tel, je l'ai vu récemment, puis effectivement, ben je m'en doutais qu'il serait solide. C'est sûr que là, moi, je travaille beaucoup avec la lumière, et quand je l'avais installé, il y a déjà un petit moment, il y avait une plus grande pénombre, ce qui faisait qu'on voyait mieux la projection. Je sais qu'aujourd'hui, cet aspect-là est moins, en tout cas, parce qu'il y a plus de lumière. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est en dehors de mon contrôle. L'œuvre vit autrement, mais bon, c'est comme ça, mais l'objet comme tel survit bien. Et surtout, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est la même matière que j'ai travaillé quand j'ai fait le projet avec les papiers bonbons. J'en ai fait d'autres avec ce matériau-là. Un acrylique coulé ou sous vide où les objets sont emprisonnés. Donc, pour moi, c'était de trouver une matière que je pourrais mettre, c'est quelque chose de fragile, mais qui pourrait être protégé et amplifié quelque part et lui donner un aspect plus sacré quelque part aussi. Exact. Donc, c'est avec ce matériau-là que j'ai trouvé qui est quand même... C'est sûr que comme artiste, en tout cas jeune artiste, à ce moment-là, j'aurais pas travaillé avec ce matériau-là qui coûte très cher. Mais c'est ce que nous permet également le contexte d'intégration. Oui, là, absolument. Comme ça. On a un budget avec lequel on peut faire des recherches, des tentatives, à laquelle on, des fois c'est plus difficile lorsqu'on est avec une subvention, disons. Ah, ben oui, c'est certain. Aussi, je me demandais, comme là, on parlait bon, des œuvres 2004, bon, celle au centre de formation là, professionnelle en alimentation à Charlebourg, mais aussi, celle, par exemple, celui-là du Cégep Limoilou dans les années 90. Avec la distance aussi, comment on regarde ces projets-là, avec le temps aussi, comment est-ce qu'on notre compréhension évolue aussi par rapport à ce projet-là? Ou... Ben, je pense que souvent, ces projets-là, je pense à un autre, le deuxième que j'ai réalisé, qui était à l'hôpital de Chicoutimi, qui était pour une salle d'attente d'oncologie. J'ai rencontré des gens qui, malheureusement, ont été dans cette salle d'attente-là comme clients. Donc, ils sont allés souvent. Et il y a une femme qui est venue me rencontrer parce que j'avais une exposition dans la région. OK. Et oui. Elle avait vu mon nom parce qu'il y a toujours une petite plaquette. Cartel, oui. Et elle a vu que j'avais une exposition. Elle n'était pas intéressée nécessairement par l'art, mais quand elle a su que j'étais là, elle est venue me voir. Et là, elle m'a parlé de mon projet et je peux vous dire que tout ce qu'elle m'a dit, après ça, j'ai fait, peu importe ce qui va arriver à ce projet-là, rien que pour ce moment-là, moi, j'étais vraiment touchée par ce qu'elle me disait et par d'autres qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Donc, ces objets-là vivent, mais j'en ai pas le contrôle et elles fonctionnent des fois mieux que ce que je pensais. Donc, mm-hmm. Ben, c'est intéressant, ça, d'avoir eu l'opportunité d'avoir une rétroaction aussi, comme oui. ça. Tu sais, je veux dire, c'est que la personne ait pris la peine oui. de se déplacer, c'est fantastique. Ben, c'est ça. Donc, mais évidemment, quand on fait ces projets-là, on le sait que si on fait un projet justement pour une salle d'attente d'oncologie ou pour une école primaire, ben, c'est pas tout à fait la même clientèle. Mm-hmm. C'est sûr que ça fait partie... Peut-être on pourrait l'appeler d'une autre contrainte ou défi, mais si on s'adapte à ça, et je pense que c'est merveilleux. Oui, bien, ça montre comment aussi ce programme-là d'intégration peut avoir également des répercussions oui. dans le temps, dans le long terme. Puis parce qu'on ne sait jamais, des fois, on se dit, bon, mais une œuvre d'art là, mais est-ce que ça va fonctionner? Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque mm-hmm. chose ou pas? Puis des fois, c'est malheureux parce qu'il y a des œuvres qui sont un peu... pas mis au rencard, mais un peu dans un raccoin, si on peut oui. dire, où les gens sont pas en contact, mais c'est intéressant d'entendre justement ça. Mm-hmm. Oui, parce que je pense que, ben souvent, malheureusement, je sais pas pourquoi les gens ont peur de pas comprendre une œuvre d'art. Mm-hmm. Et c'est pas qu'on ne peut pas comprendre une œuvre d'art. On la vit et avec son expérience, ses émotions, son expérience de vie, voir une œuvre une journée puis la voir dans un an, peut-être dépendamment de ce qui s'est passé dans notre journée, on ne la vivra pas de la même, elle nous touchera pas de la même manière. Donc, on peut pas se tromper. Et je pense que l'art public, c'est ça. On peut pas se tromper en voyant une œuvre. Et c'est normal que certaines nous touchent pas, qu'on n'aime pas. Mm-hmm. C'est complètement normal. Je suis certaine que des œuvres qui touchent certaines personnes et d'autres pas du tout, ils trouvent ça sans intérêt ou insignifiant, mais c'est normal. Même moi, il y a des œuvres que je suis là, moi, on s'est donné du trouble pour faire ça, puis je comprends pas pourquoi cette énergie là mais en même temps ça m'intrigue. Bon, ça, c'est peut-être, évidemment, je suis dans le milieu. Si je vois une œuvre que je fais, c'est quoi l'idée? Pourquoi ça donne ce trouble-là? Puis ça me rejoint pas du tout. Mais là, j'essaie de savoir, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'échappe, que j'ai jamais vu. Donc, qui m'intrigue. Donc, enfin, je pense que c'est ça. On peut pas se tromper. Non. Puis en même temps aussi, ce que j'aime dire à mes proches ou des gens autour de moi, c'est de leur dire, tu sais, comme dans n'importe quel art, il y a des choses qu'on aime, d'autres choses qu'on n'aime pas. Puis, je veux dire, ce programme-là aussi, il y a des œuvres qui vont, comme tu dis, nous toucher, puis d'autres qui vont nous laisser complètement de glace, là. C'est ça. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça va peut-être toucher d'autres gens aussi, selon le contexte. Puis même, je pense que ça peut arriver qu'une journée, c'est ça, comme je dis, cette journée-là, il t'est arrivé quelque chose, puis ça fait comme bord. Mm-hmm. Puis tu la revois un an plus tard parce qu'il t'est arrivé d'autres choses, puis là, tu dis, là, je vois plein de choses dedans. Exact. C'est normal. On va prendre une petite pause audio, le temps de digérer tout ça, mais aussi de replacer nos choses puis de continuer notre discussion au retour. Donc, on va aller écouter l'extrait « Nose ». Toujours en compagnie de Diane Landry. Et on voulait sauter un petit peu rapidement sur... on disait que tu avais fait des œuvres d'art, bon, oui, plus pérennes, hein, du 1%, mais il y a certains projets qu'on peut découvrir sur ton site web dans la section art public, comme Brise-glace, qui sont à caractère éphémère. Donc, une très belle performance où tu étais suspendue dans la galerie de Engram, dans un canot, finalement, et où tu as ramé, je pense, pendant tout près d'un 2 heures avec ce radeau-là. Donc, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce côté éphémère en même temps, puis ce projet. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une performance, une action dans l'espace d'Engram. Et évidemment, je la voyais dans le soir, parce qu'elle est toute vitrée. Donc, et c'est évidemment où elle est située, c'est comme dans Côte d'Abraham, où il y a plein de gens qui passent. Et j'aimais l'idée de faire une performance, parce que je fais également de la performance. Mais là, les gens, ils n'ont pas besoin de rouvrir une porte et puis rentrer quelque part, voir une performance. Il y a une performance un peu dans l'esprit peut-être de où tu vas quand tu dors en marchant, présenté par Carrefour International de Théâtre. Mais là, c'est pas vraiment annoncé. Oui, c'était dans le cadre du mois multi, mais bon, c'est pas annoncé qu'il va avoir ça. Exact. Et j'aimais cette idée-là de faire une œuvre où l'artiste est là, c'est une action qui dure pendant un certain temps. Et là, on peut pas y échapper lorsqu'on passe. On voit quelque chose d'étrange, une fille suspendue dans les airs dans un canot qui avironne pendant 2 heures. Et qui, bon, il y a tout un système qui donne une impression visuelle que l'espace est rempli d'eau. Donc, c'était un peu ça, mon idée. Et j'ai trouvé cette cette action-là très particulière. Donc, pour moi, c'est de l'art public, dans le sens, ça fonctionne de la même manière qu'une sculpture qu'on peut voir, par exemple, sur la promenade Samuel de Champlain, sauf que là, il y a quelqu'un. Oui, exact. Et il y a également, évidemment, un côté éphémère, parce que ça a duré un certain temps, et c'était le soir. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment un beau moment de faire cette action-là, parce que même le jour, quand on se préparait, qu'on faisait des tests, tout ça, il faisait jour, donc ça fonctionnait d'une autre manière. Mais là, mm-hmm. je voyais les gens dans l'autobus qui me regardaient. Oui. Puis c'était... Je pensais pas que les gens... Il y avait une interaction qui se passerait mm-hmm. Aussi directe, même s'il y avait il y avait une vitrine quand même qui nous séparait. Oui. Bien, c'est peut-être ça la beauté de ces actions plus éphémères, c'est cette rencontre directe avec le public mm-hmm. par le fait que tu es là en performance aussi, parce que je veux pas, dans l'art public, il y a le mot public aussi, c'est d'aller à la rencontre. Donc, c'est peut-être une expérience plus directe à ce moment-là pour l'artiste. Je voulais souligner aussi au passage, hein, parce que cette émission de ce soir, on va découvrir, bon, ce petit projet, oui. En particulier là, les souvenirs lumière. Il y a aussi Marc-Antoine Côté, un très bon sculpteur aussi de Québec, dont vous avez déjà entendu ici sur les ondes de cette émission, qui va présenter donc la sculpture « Un objet qui nous reflète », qui fait partie de la politique d'intégration des arts à l'architecture et qui était située à l'École des technologies supérieures de Montréal. Et c'est particulier parce que là, c'est une sculpture d'un assez grand format, assez imposante, qui est dans un tout petit hall, tout près d'un ascenseur. Et puis, j'ai été fascinée de voir justement ce choix qu'il avait fait d'utiliser ce petit lieu-là, mais de le remplir finalement, de confronter le spectateur avec cette masse, cette sculpture-là en plus qui reflète beaucoup, également aussi à cause de l'aluminium qui s'y trouve. Donc, qui devient une espèce d'objet... Oui, encombrant, on va se le dire là pour le monde qui sont là, mais qui questionne, qui nous amène à voir l'espace d'une toute autre façon. Et puis souvent avec Marc-Antoine, c'est ça, c'est le travail de l'espace, le travail du matériel aussi, la façon qu'il va refléter dans l'espace aussi avec la lumière. Donc vraiment, ça vaut beaucoup la peine de découvrir cette œuvre-là. Moi, j'avais vraiment apprécié parce que je connaissais déjà son travail, mais n'avais jamais vu ça. Donc, à découvrir ce soir dans l'émission. Et peut-être un dernier mot, Diane, selon toi, la pertinence d'une émission comme À tout hasard de Suzanne Guy, qu'est-ce que serait la force peut-être ou la pertinence de cette émission-là? Ben, moi j'ai eu l'occasion de toutes les voir. Je voulais pas que ça termine. Oui, hein? Oui, parce que Suzanne, elle a une très grande sensibilité et je trouve qu'elle sait comment faire parler les artistes mm-hmm. et d'une manière très simple, très accessible. Oui, très accessible sans pour autant être enfantin. Exact. Il y a du contenu, là, vraiment. Oui, oui, oui, dans mais cette émission-là. C'est vraiment des artistes qui parlent de leurs œuvres d'une manière extrêmement, je pense, accessible à tous. Et je trouve que c'est incroyable le travail qu'elle a fait. Je trouve ça merveilleux. Alors, j'espère que tout le monde va apprécier cette émission. Exact. Donc, on vous le rappelle, c'est à tous les mardis soir à compter, donc, de 19h sur les ondes de Art TV, 8 épisode de 30 minutes. Là, on est au quatrième ce soir, donc avec Diane et Marc-Antoine, mais pour vous dire, ceux qui seraient des clients Vidéotron et qui sont abonnés à la chaîne Art TV, on peut les rattraper, les trois premiers épisodes au 900. Donc, en tout cas, ça vaut la peine. Moi, c'est certain que je vais aller les réécouter là-dessus. Merci beaucoup, Diane Landry, d'avoir partagé cette expérience-là avec nous ce soir et puis au plaisir de te reparler dans le futur. Merci, bonne fin de journée. Nous, on s'en va en pause publicitaire. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Le vendredi 30 septembre, laissez-nous vous raconter des histoires sombres. Installés autour de feux de camp, des conteurs et des comédiens vous attendront avec leurs légendes lugubres et leurs romans noirs pour adultes. Et vous, vous vous promènerez de station en station à travers ce parcours d'épouvante. Frissons garantis. Nuit au cimetière. Le 30 septembre, au cimetière Saint-Mathieu. Festival Québec en toutes lettres, une édition noire du 29 septembre au 9 octobre. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. En septembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap, Neuf le film dès maintenant, Embrasse-moi comme tu m'aimes dès le 16 septembre, Juste la fin du monde dès le 21 septembre, La vache dès le 30 septembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le samedi 8 octobre, rendez-vous sur les lieux du crime. Activité phare du Festival Québec en toutes lettres, la 7e soirée œuvre de chair s'annonce mystérieuse. Offrez-vous d'abord de courtes tête-à-tête avec une écrivaine ou un écrivain pour des suggestions de lecture. Puis, rendez-vous dans l'une ou l'autre des 10 chambres où les auteurs vous raconteront une histoire noire. Trop peur pour rentrer? On vous attend pour le dernier verre à 23h au bar de l'hôtel. Œuvre de chair, le samedi 8 octobre à l'Hôtel Pur, Québec. Une collaboration de CKRL. Festival Québec en toutes lettres, une édition noire du 29 septembre au 9 octobre. Cet automne, l'équipe du magazine Bazar vous a préparé un numéro exclusif sur l'architecture créative. Découvrez cet art à grande échelle, vu et créé par les différents artisans du milieu. Incluant une carte de Québec, ce numéro vous permettra de parcourir votre ville avec un nouveau regard. Trouvez Bazar gratuitement chez l'un de nos 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, rendez-vous sur bazar.qc.ca. Suivez la trace des artistes. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89.1. Alors, de retour pour cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale, toujours en compagnie de Audrey Caro, Sarah Bélanger-Martel qui est toujours avec moi. Toujours et là, oui. Toujours là, et on a Julien Saint-Georges qui est là. Hein? Hello, bonjour. Ben oui, je reviens en studio, ça fait plaisir. Oui, donc Julien, tu es ici pour nous parler justement de cette fin de semaine qui s'annonce assez bien remplie. Hein? Oui, Dieu, des oui. journées de la culture. Oui, j'ai passé des semaines et des semaines à faire de la recherche sur le site. Pour Alors, trouver les meilleures activités. Et non, voilà, surtout des activités qu'on disait en lien avec les arts visuels, mais il faut dire que c'est le 20e anniversaire cette année des Journées de la culture qui se tiennent vendredi, samedi et dimanche. Mm-hmm. Je te laisse sans plus tarder la parole pour que tu nous en dises plus sur ce qui nous attend. Ouais, c'est ça. Nous autres, je me focus dans le fond sur les arts visuels, mais c'est vraiment une variété assez incroyable d'activités partout, autant à Québec qu'en périphérie, là, pour de ça dans les régions environnantes. Je propose déjà, moi, ça m'intéresse quand même assez, c'est le hackathon au camp sur le 125 boulevard Charest. Dans le fond, c'est Québec numérique qui organise ça. C'est un marathon, en fait, pour des nouvelles médiations numériques pour l'art, en fait. Fait que ça va être comme un peu Muséo Mix, pour ceux qui suivent l'émission, on en avait parlé. Donc, c'est vraiment un 3 jours intense des équipes qui sont créées sur le vif pour créer des nouvelles manières de faire de la médiation, c'est ça, en art numérique, finalement. Ça fait qu'on peut aller visiter, on peut aller voir comment les équipes fonctionnent. Fait que, il me semble, ça, en tout cas, pour l'avoir vécu de l'intérieur. C'est toujours assez intense comme fin de semaine. Ça fait que d'aller voir ça, ça fait un peu, ça fait assez spectaculaire. Je propose aussi, là, Méduse est ouvert le samedi. De 10h à 17h, plusieurs activités, vraiment beaucoup, autant pour la famille comme une chasse au trésor de 10 à midi pour les 6 à 12 ans à travers les 9 bâtiments de la coopérative. Ah, c'est aller vous perdre dans Méduse. Exactement. donc, pour ceux qui se perdent déjà, ben là, maintenant, il y a une activité pour se perdre. Et voilà. Ça va être parfait pour vous. Il y a une visite guidée, par exemple, de la coopérative également à 10h30. Il y a une visite commentée aussi de l'installation visuelle et sonore Le jeu de loi de Patrice Coulombe et Caroline Gagné, présenté à Avatar. Il y a aussi la musique au cinéma, manipulation sonore et projection d'extraits de courts-métrages présentés par Spira. Fait que, oui. Si on veut aller pouvoir manipuler ça un petit peu pour voir comment les sons sont créés pour les longs-métrages et les courts-métrages. Il y a plein d'autres activités, mais là, c'est ça, je fais comme une compilation. Bon, on pourra aussi publier sur notre page web, si tu veux, les résultats là, de ce que tu avais trouvé, mais je sais qu'il y a aussi des activités en collaboration l'œil de poisson et vue. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'il y a un autre centre aussi qui offre... Il y a la bande vidéo, aussi, qu'on peut aller voir Beluga encore. Il y a l'atelier familial de sérigraphie Cadavre exquis, présenté par Engram. Ah, ben c'est ça, les ça artistes. Va être le fun aussi. Ouais, ouais. Vraiment, là, Yana Pichon et Olivier Moisan-Dufour. Aller essayer les presses. Là, ça peut être le fun découvrir. Là. Avec la famille, je pense que ça va être vraiment une belle activité. Super. Donc, il y a encore la vitrine aussi, qui est l'exposition de Pascal Lavigne qui est présentée par Manif d'art. À la Maison des métiers d'art, ça, pour ceux qui veulent s'initier à des différents médiums, c'est la place où aller, je pense. C'est juste le samedi, par exemple, de 10h30 à 15h30. Il y a la sculpture de la taille directe. Pour ceux qui n'ont jamais essayé ça, dans le fond, au ciseau et au marteau. Il y a de la céramique également, conception d'une assiette carrée. Il y a de la marbrure également. Ça, c'est par exemple, c'est fait seulement de 10h30 à 1h. Fait que ceux qui veulent essayer, c'est, dans le fond, c'est du papier marbré. Un peu comme on voyait, dans le fond, dans les anciennes couvertures de livres au 19e siècle. Donc, on va utiliser de l'encre pour créer des motifs. Finalement, abstrait, ça a l'air super beau, très psychédélique aussi. Donc, c'est ça pour les métiers d'art. Il y a une conférence sur la restauration d'œuvres d'art donnée par Carole Poulain. Oh, ça va être intéressant. Je pense vraiment beaucoup. C'est un artiste qui a sa pratique personnelle, mais qui est aussi professionnel dans la restauration. Il restaure des œuvres depuis 35 ans. Il a restauré des œuvres pour Cornelius Grégoff, des Murillo, également des fresques d'église, notamment d'Ozias Le Duc, Antoine Plamondon. Un spécialiste finalement dans la restauration. C'est à quel endroit ça? C'est à l'INRS, au 344 rue Sainte-Hélène. C'est dimanche de 14h à 15h30. Donc, il y a une seule conférence dans la fin de semaine. Donc, et si vous voulez y aller, arriver tôt, je pense que ça va se remplir quand même assez vite. Il y a Normalité ostentatoire qui commence cette semaine. Moi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Il y a pas de visite guidée habituellement, mais il y a une visite guidée pour toute l'exposition, dans le fond, qui est... ça va être le... c'est le samedi, il me semble. Oui, c'est ça. Oui. C'est le samedi, une durée à peu près 45 minutes. Normalité ostentatoire, donc c'est organisé par Folie Culture. Ça va être... donc, c'est ça, c'est l'idée, le concept de normalité. Comment ça peut être finalement ostentatoire? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est très large comme concept, la normalité. Là. Oui, vraiment beaucoup. Là, je sens qu'on va aller dans plein de directions en même temps. Puis c'est au 280 Christophe Colomb-Est, il faut le rappeler, là, parce que c'est pas... Ils n'ont pas de lieu de diffusion, non, c'est ça, là, exactement. Folie Culture. Donc, c'est ça. Il y a la visite des écoles d'exposition. On peut participer aux ateliers des étudiants à la fabrique, dans le fond. Puis, on peut aller voir aussi la galerie en art visuel de la fabrique. Il va avoir initiation au moulage, atelier de moulage, initiation à la sérigraphie. On peut aussi aller visiter les ateliers des étudiants à la maîtrise, à l'atelier du roulement à billes, au 332, c'est ça, rue Sainte-Hélène. Il y a la visite des ateliers du réacteur également, au 731 rue Saint-Vallier-Est. Il y a ça pour les historiens en herbe ou professionnels. Il y a l'exposition Archives artistes 1978 à 2016, la Chambre Blanche. Ah oui, oui. Ça, là, si vous voulez aller voir, fouiller dans les archives de la Chambre Blanche, hein, c'est un des centres fondamentaux, hein, essentiels de la ville de Québec. Il va y avoir des monographies, des archives vidéo, sonores. Ça va être vraiment, il va en avoir pour tous les goûts, qui couvrent toute leur année, toute leur existence. Je pense que c'est 78 à aujourd'hui, hein, c'est ça? Exactement. Il va y avoir également le Musée des Beaux-Arts qui organise des activités, dessiner la musique. Donc, dans l'espace Nord, il va y avoir un musicien, il va y avoir dans le fond quelqu'un pour nous guider dans la comment retranscrire la musique en dessin. Il y a aussi la projection du film « Voir dans le vent qui hurle les étoiles, rire et rire ». Pour ceux qui étaient à la performance la fin de semaine passée, mais maintenant, on va voir le documentaire finalement qui explique cette œuvre-là. Et ça, c'est le dernier, mon petit coup de cœur pour les amateurs de musique et peut-être d'histoire religieuse. C'est la découverte de trois orgues emblématiques de la ville de Québec. Oh, oui. C'est organisé par le Palais Montcalm puis le Musée des Augustines. Donc, c'est vraiment un petit parcours. On va voir trois orgues et les trois orgues vont être aussi utilisés. Hein. C'est pas juste les regarder, on va les entendre également. Donc, mais par exemple, il faut réserver à la billetterie du Palais Montcalm pour avoir une place dans cette petite virée dans le Vieux-Québec. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir fait ce survol. Oui. Ça va être des choix assez déchirants. Ouais, exact. Juste pour ma chronique, j'ai dû faire des choix déchirants. Exact. Ben, on pourra mettre disponible, comme on le disait, sur notre page web. On relayera sur notre page Facebook, mm-hmm, justement ce que tu as trouvé. Oui. Aussi, parce que là, on a plein d'idées, mais on n'a peut-être pas les auditeurs. Ça. On peut peut-être une date tout prendre en note. Ça, là, mais sinon, sur le site des Journées de la culture, on peut faire une recherche par arrondissement, par ville. Par médium également. Là. Si, mettons, vous voulez plus la musique, le théâtre, là, il y en a... Arts visuels, arts multidisciplinaires. Donc, on peut aller sur le site journeedelaculture.qc.ca. Mm-hmm. Merci beaucoup, Julien, d'avoir fait un grand survol de ces activités-là. On s'en va en pause audio. Alors, on est en compagnie d'un tout nouveau chroniqueur, Geoffrey Poirier. Bonsoir. Bonjour. Alors, tu es ici ce soir pour nous parler d'une artiste étrangère, donc catalane, Esther Rocavila, qui est en résidence à la Chambre Blanche. Oui. C'est une artiste que je ne connais pas du tout, mais que tu as eu l'opportunité de rencontrer pour comprendre un peu son travail, mais aussi qu'est-ce qu'elle va faire pendant sa résidence. Je te laisse nous en parler. Oui, avec plaisir. Donc, depuis quelques années, la Chambre blanche se spécialise en échanges internationaux. Donc, dans le cas précis de Esther Roca-Villa, qui est originaire de la Catalogne, c'est un échange avec le Centre Bolit. Donc, j'espère que je le prononce bien. C'est un mot catalan. Le centre est situé en Gironde. Et puis, j'ai eu la chance cette semaine, donc, de rencontrer cet artiste très coloré. Donc, Esther Roca-Villa est une artiste autodidacte totalement. En fait, elle a fait ses armes plus dans le monde de la poésie et de la littérature. Donc, elle fait de l'art depuis à peu près 9 années. Elle a commencé sa pratique étonnamment en faisant de la peinture abstraite pendant 3 ans. Et puis, c'était très drôle quand je discutais avec elle, en fait, parce qu'elle est très axée sur le côté anecdotique des choses, je dirais. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la vidéo, finalement? Parce que je rappelle que, bon, depuis quelques années aussi, le mandat de la Chambre blanche est aussi de mettre de l'avant les arts numériques. Et puis, je lui disais, bon, ben pourquoi t'as commencé à faire de la vidéo? Elle m'a dit, c'est parce que je me suis cassé une jambe, elle dit. Elle dit, je pouvais moins me déplacer. Elle dit, j'ai commencé à travailler davantage à l'ordinateur. Et puis, depuis ce temps-là, depuis qu'elle fait de la vidéo, ça a donné lieu à une démarche qui est vraiment, je dirais, plus pluridisciplinaire. Donc, on parle de vidéo, d'art sonore, de performance, d'installation, et aussi de projets un peu plus, je dirais... performative avec le public, donc oui. Relationnel. Et puis, je lui demandais, bon, je lui disais, essaie de mettre un peu des mots, je lui disais, sur ce que tu fais et tout. Puis, étant donné qu'elle est autodidacte, les idées venaient beaucoup, je dirais, de façon spontanée. Donc, elle me parlait beaucoup du côté anecdotique de l'art. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, finalement, en parlant avec elle, je lui ai proposé quelque chose. Je lui ai dit, est-ce que ça ressemblerait un peu à ce qui te fascine un peu dans l'art et tout? Elle m'a dit oui. Donc, pour vous dire l'idée que j'ai ressortie de tout ça, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup à l'aspect, aux différentes dimensions universelles de l'être humain. Mais ce qui l'intéresse, c'est comment, dans la quotidienneté, de façon un peu plus sensible, ces choses-là se manifestent. Donc, un exemple qu'elle m'a sorti de son cru, en fait, c'est, exemple, tout le monde a un rapport avec l'écologie. Tout le monde a un rapport avec l'écologie, mais comment est-ce que ces choses-là se manifestent de façon, je dirais, un peu plus tangible, concrète? Mm-hmm. Elle me dit, ben tout le monde respire dans la vie, à une certaine petite, à une échelle plus... Oui. plus près de base. Oui, c'est ça, elle dit. Et puis elle voit beaucoup de poésie là-dedans qu'elle va insuffler dans ses vidéos. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, ce à quoi on peut s'attendre pour les 2 prochains mois, parce que je rappelle que, bon, c'est une résidence de recherche in situ, donc ça va être un work in progress. Il va y avoir un résultat final qui va être présenté, donc, à la Chambre blanche dans 2 mois et aussi par la suite en Catalogne, mm-hmm. à Bolit. Et puis, alors, je lui demandais quelle forme ça va prendre, tout ça, ces recherches-là. Donc, on peut s'attendre, en fait, à un côté très relationnel, comme je disais tantôt. Donc, il va y avoir des plateformes de discussion, donc des cercles de chaises, comme elle me disait, qui vont être là pour que les gens puissent discuter entre eux, en fait, comme je disais, de la poésie qui entoure les dimensions un peu universelles de l'être humain. Et puis, aussi, il va y avoir de la vidéo. Elle compte se promener dans la ville de Québec, enregistrer de façon très spontanée les réflexions des gens, mais toujours à un niveau, je dirais, très sensible, qui est très près de la poésie, autant près de la poésie que des arts visuels, finalement. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est une approche qui est moins familière, moi, de ce que j'ai l'habitude dans le milieu. Ça a été très rafraîchissant de la rencontrer. J'ai beaucoup aimé son approche. Et puis aussi, on peut la rencontrer cette semaine. Il y a un 5 à 7, je pense, ce jeudi. Est-ce que ça se peut? Oui, exactement. Donc, dès 17h, vous êtes invité à rencontrer Esther. Voilà, pour une formule 5 à 7. C'est l'ouverture de sa résidence. Donc, dans la galerie, il va y avoir plusieurs prototypes, si on veut, de ses futures recherches. Donc, ce ne sera pas encore un produit abouti. Vraiment quelques prototypes, quelques repères dans la galerie qui vont être là, qui vont être les bases de sa recherche à venir. Super. Donc, Donc, finalement, on va peut-être être amené à contribuer oui. les gens de la ville à son projet. Fait que c'était intéressant aussi de voir comment ces artistes étrangers-là aussi essaient de voir la réalité un peu ou d'entrer en contact avec les gens où ils vont venir faire la résidence. Oui. Donc, c'était intéressant cette approche, comme tu dis, plus relationnelle, effectivement. Oui, oui. Excellent. Mais écoute, Jeffrey, je te remercie beaucoup d'avoir été rencontré cet artiste. Et puis, peut-être qu'on aura l'opportunité d'en rejaser lorsqu'elle présentera son résultat final, justement, un peu plus tard, là, au bout de ces 2 mois de résidence. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Jeffrey. Alors, nous, on fait une petite pause audio et on vous revient avec les événements de la semaine. Alors, on est de retour pour les événements de la semaine. Il faut rappeler que ce soir, bien sûr, c'est la diffusion donc de À tout hasard sur les ondes d'RTV. Donc, on va découvrir le travail de Diane Landry et Marc-Antoine Côté. Sinon, ce jeudi, il y a le vernissage de l'exposition « Jean Soucy ». Peintre clandestin à la Villa Bagatelle, et ce, à compter de 17h30. C'est le commissaire Sébastien Hudon qui a réalisé cette exposition-là, en compagnie aussi de proches de la famille aussi, pour découvrir cet artiste un peu méconnu, je vous dirais. Moi, je n'en avais jamais entendu parler, mais qui, dit-on, on va découvrir plus d'une soixantaine d'œuvres et d'artefacts, là, justement, aussi, de sa carrière artistique. Et dit-on, vraiment, ça va être un parcours assez exceptionnel pour cette artiste qu'on ne connaît pas beaucoup. Sinon, bien sûr, je vous rappelle les journées de la culture ce vendredi, samedi et dimanche. Hein, avec Julien Saint-Georges, on a vu qu'il y a énormément d'activités à voir et à faire. Hein. Et c'est important de rappeler, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais ce sont des activités qui sont gratuites aussi. Donc, important de le souligner. Et aussi, on rappelle Normalité ostentatoire. On en a glissé un mot avec Julien tout à l'heure, mais cette exposition-là est seulement jusqu'à dimanche. Aussi, hein, c'était du 22 septembre au 2 octobre. Alors, dépêchez-vous pour aller la voir. Et en plus, il y a cette visite guidée également aussi là, samedi de 13h à 15h. Je vous rappelle, c'est au 280 Christophe Colomb. Donc, sur ce, ben, on va terminer cette émission. Hein. Déjà, c'est la fin. Je remercie donc mes invités, ben, mon invité, hein, Diane Landry, ainsi que mes chroniqueurs, Julien Saint-Georges et Jeffrey Poirier. Également, Jacques Gignac à la mise en onde, hein, qui est toujours là fidèle à chaque semaine. Je salue ma compagne, Gentiane Lafrance, qui nous écoute de matane. Merci, Sarah Bélanger-Martel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se revoir la semaine prochaine. Et puis également, ben, je voulais vous rappeler que vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Téléchargez aussi la sélection audio de Simon Roy qui était cette semaine Beat Dowsing.